notre mal, personne ne s'en vit, mais priez Dieu que tous nous veuillent à nous. Aussi. Par justice, toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas bon sens ainsi. Excusez-nous, puisque sommes transis, envers le Fils de la Vierge Marie. Que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernal foudre. Nous sommes morts, amène-nous à rire, mais priez Dieu que tous. Nous sommes morts, amène-nous à vie, mais priez Dieu que tous nous veuillent à sourd. La pluie nous a démués et avis, et le soleil desséché et noirci. Et un corbeau nous ont les yeux cavés et arraché la barbe et les sourcils. Jamais nul temps nous ne sommes assis, puis sa pluie comme le vent ravi. À son plaisir sans cesse et nous charrie, plus et que des oiseaux que des agoutes. Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absous. À lui n'ayons que faire ni que soudre, mais ici n'a point de moquerie. Mais priez Dieu que tous nous veuillent à sourd.